Il était amiral, vice-roi, et pouvait ajouter à ses titres celui de bienfaiteur de Ferdinand et d'Isabelle. Cependant, des juges, envoyés sur ses vaisseaux mêmes pour veiller sur sa conduite, le ramenèrent en Espagne. Le peuple, qui entendit que Colombo arrivait, courut au-devant de lui, comme du génie tutélaire de l'Espagne. On tira Colombo du vaisseau, il parut, mais avec les fers aux pieds et aux mains. Ce traitement lui avait été fait par l'ordre de Fonseca, évêque de Burgos, intendant des armements. L'ingratitude était aussi grande que les services. Isabelle en fut honteuse. Elle répara cet affront autant qu'elle le put. Mais on retint Colombo 4 années, soit qu'on craignit qu'il ne prît pour lui ce qu'il avait découvert, soit qu'on voulut seulement avoir le temps de s'informer de sa conduite. Enfin, on le renvoya encore dans son nouveau monde, en 1498. Ce fut à ce troisième voyage qu'il aperçut le continent à 10 degrés de l'équateur et qu'il vit la côte où l'on a bâti Carthagène.